sama sama sama sama sama sama chérie. Sama sama. kamunuko, kamunuko. Azali koko sayo lokola posanga. Sima tango moke okole la lokolanga. Nakoma victime ya bolingo mama e. Marianne, oh, Marianne, oh, mama, je t'aimais toi la folie, je t'aimais. mais plus je pense à toi, c'est juste à la mort et chouchou, oh, c'est juste à la mort, maman. Oh chérie, c'est juste à la mort, Céline. Ah, Marianne. Je vais mourir à cause de toi, à cause de toi, oh chérie. L'amour de toi et moi, chérie, me donne malade, chouchou, oh, me donne malade, maman. Me donne malade, Céline. Je vais mourir à cause de toi, à cause de toi, oh chérie. L'amour de toi et moi, chérie, me donne malade, chouchou. Oh, me donne malade, maman. Oh chérie, me donne malade, Céline. façon, moi j'ai moyen toi. Je comprends pas que façon, moi j'ai moyen toi. J'ai donné toi l'argent, toi qui suis moi. J'ai payé ta radio, toi qui suis moi. J'ai payé télévision, toi qui suis moi. J'ai payé ta machine, toi qui suis moi. J'ai payé ta pastel, toi qui suis moi. J'ai construit ta maison, toi qui suis moi. Mais moi je comprends pas chérie, façon, moi j'ai moyen toi. Je comprends pas que façon, moi j'ai moyen toi. Mais moi je comprends pas chérie, façon, moi j'ai moyen toi. J'amène-toi Paris, toi tu suis moi. J'amène-toi Zaïre, toi tu suis moi. Aux États-Unis, toi tu suis moi. Partout dans le monde, toi tu suis moi. On revient à Abidjan, toi tu suis moi. Mais moi je comprends pas chérie, façon, moi j'ai moyen toi. Je comprends pas que façon, moi j'ai moyen toi. Mais moi je comprends pas chérie, façon, moi j'ai moyen toi. Moi j'ai moyen toi. Je comprends pas que façon, moi j'ai moyen toi. Mama, eh, Dana Linga, Kayo, Mama, eh, Dana. Tamata o ngai serie o mama e Gana linga kayo mama e Gana bondela kaso ki o siliki Linga nga o ndengyo mi linga ka o serie Pesa ngai ba chance na linga yo lucia e To bate la bolingo na biso ba me la pema Lingao Lucia e Mi solo na cana mi no foi abate mama eh, Italia, oh mama eh, Italia, mama eh, Italia, Kamuluko, Italia, mama eh. Nimera, que me hace por